deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'invention de l'État d'Israël. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous avons abordé dans notre émission d'ouverture de cette série de la Fabrique de l'Histoire la façon dont ce pays s'était peuplé avant et depuis la déclaration d'indépendance de 1948. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un moment important de l'histoire de ce pays, la guerre des Six Jours, mais vue depuis Paris. Qu'avaient pensé et que pensaient les Juifs français en particulier installés donc à Paris et en France depuis longtemps de ce qui s'est passé et de ce qui se passait en 1967 en Israël. C'est ce que nous allons pouvoir voir avec le documentaire qui a été conçu par Anaïs Quin et réalisé par Thomas Duterre, avec les témoignages de Blanche Greenbaum, de Annette Bernstein, de Martine et Félix Nataf, de Serge Gilberg, d'Alain Siroulnik, d'Henri Hachdenberg et d'Anne-Marie Revkolevski. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. En 67, mon père explique qu'il y a une guerre là-bas et que c'est très grave et que c'est très important et tout va très vite. Il prend une carte et il dessine ce qui se passe. Le président Nasser commence d'ailleurs par une déclaration liminaire. Il fait d'abord l'historique de la crise et justifie l'imposition de la République arabe unie. Ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours, c'est la réparation de l'agression de 1956. En somme, la République arabe unie a voulu rétablir sa souveraineté. Elle a rétabli sa souveraineté sur le détroit de Tiran en décrétant le blocus aux navires israéliens. Elle a rétabli sa souveraineté en demandant aux casques bleus de partir. Sur le détroit de Tiran, le président Nasser se justifie sur le plan juridique. Nous n'avons signé aucun accord international. Et désormais, aucun bateau israélien ne passera. Sur le départ des casques bleus, le président égyptien est catégorique. Ils ne reviendront pas. Et puis, le président Nasser, modéré dans le ton mais très ferme sur le fond de ses propos, ajoute « Aucun modus vivendi n'est possible avec Israël. Son existence même est une agression. C'est une agression, dit-il, contre le peuple palestinien. C'est une agression contre la nation arabe. La République arabe unie, néanmoins, n'attaquera pas Israël. Si c'est Israël qui l'attaque, eh bien, ce sera la guerre et ce sera la guerre totale. » La guerre des Six Jours depuis Paris, mai-juin 1967. Alors, moi je suis née en 1956 à Bonn, en Algérie. Martine Nataf. Nous avons quitté l'Algérie en 62. Et donc en 1967, j'ai 11 ans et j'habite boulevard Mortier. Et Israël, je connais évidemment, on vit avec l'idée de l'État d'Israël. Mon père et ma mère sont allés en Israël quand ils vivaient en Algérie, dans des tentes avec le Club Med à l'époque. Un jeune couple qui est très heureux, qui m'a laissé, moi, petite fille, avec ma grand-mère, donc pour aller voir ce pays que mon père adore. La Seconde Guerre mondiale a marqué l'identité familiale et donc l'émergence de la naissance d'un État était quelque chose qui était extrêmement important, qui était vécu comme l'émergence enfin d'un retour à une terre, quoi, pour un peuple en errance. Cet entre-deux comme ça était constant dans notre histoire, dans notre culture familiale. On était là et là, voilà, sur les deux terres. En 1967, l'État d'Israël entre dans sa 20e année. Pour les Français juifs, c'est un refuge, un idéal ou un pays étranger. Les conflits au Proche-Orient de 1948 et la crise de 1956 paraissent déjà lointains. La reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale et les décolonisations occupent toute l'attention de l'opinion publique. Les tensions avec les pays arabes limitrophes connaissent un regain depuis quelques mois. et aboutissent à une attaque préventive d'Israël qui s'achève le 10 juin par la déroute des armées nationales voisines et la démultiplication des zones sous contrôle israélien. La guerre des six jours signe l'apparition des expressions « Proche-Orient », « Territoires occupés » et « Cause palestinienne », aujourd'hui tristement familières pour le monde entier. Mais elle marque également de nouvelles divisions dans la société française et notamment parmi la génération des enfants de rescapés du génocide juif et des héritiers de la décolonisation de l'Empire français. J'avais 16 ans. Et avec des parents qui étaient extrêmement joyeux, pour qui les enfants et la vie de famille étaient importants, et le militantisme. C'est-à-dire que dès l'après-guerre, sortie de la résistance, ou pour mon père, d'Aiglières. Blanche Greenbaum. Emprisonnée, pas fusillée. Ma mère, qui a deux doigts, n'a pas été arrêtée avec sa propre mère près de Lyon, dans la résistance juive à Lyon. C'était des gens qui avaient envie de vivre et qui étaient militants et qui croyaient au bonheur socialiste. Donc un monde très investi dans la culture juive, très laïque. Et Israël était quelque chose qui existait parce qu'il y avait des gens, mais pas nous, qui avaient de la famille en Israël. Nous, on n'avait pas de famille en Israël. Donc le lien avec Israël n'était pas incarné, du tout incarné. Un souvenir quand même qui va éclairer le propos, c'est que ma grand-mère, vers 61-62, ma grand-mère Frimtche, avait été voir des amis à elle en Israël et était revenue en pleurant presque parce que les enfants là-bas, de ses amis, interdisaient à leurs parents de parler yiddish. On construisait le nouvel État israélien, il fallait parler hébreu. Et elle était absolument traumatisée parce qu'elle ne pouvait pas parler hébreu avec ses amis. Elle parlait yiddish et les enfants ne le toléraient pas. Donc 61-62, c'est à peine plus de 10 ans après la naissance de l'État d'Israël, tout de même, il faut comprendre. En 67, j'allais sur mes 18 ans. J'étais lycéen au lycée Balzac. Et j'étais militant à la jeunesse communiste révolutionnaire. Une fois que je suis commencé à aller au lycée, à l'école, j'ai été, comme beaucoup de jeunes d'origine juive d'Europe centrale à l'époque, très marqué par une volonté d'être intégré, et d'être français juif. Et donc, l'idée d'un État juif, au sens d'un État confessionnel en plus, hein, n'était pas la corde sensible sur laquelle on se reconnaissait. Alors, il faut ajouter quand même que comme l'URSS avait voté pour la création de l'État d'Israël en 48, on était pour la création de l'État d'Israël, mais on était aussi pour le droit d'exister des Palestiniens. J'étais inconditionnellement révolté par tout acte d'antisémitisme, mais je n'étais pas inconditionnellement solidaire de la politique d'Israël. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Tout a commencé aux premières heures du jour entre Israël et la République arabe unie, mais à présent, tous les pays arabes, comme ils s'y étaient engagés d'ailleurs, tous les pays arabes soutiennent effectivement, militairement, les Égyptiens. Les combats sont engagés, bataille au sol avec les chars et l'artillerie, bataille aérienne surtout. Les Israéliens assurent que plus de 150 avions égyptiens déjà ont été abattus et les Égyptiens, eux, revendiquent déjà la mise hors de combat de 70 avions israéliens. Les aviations arabes ont commencé de bombarder Israël. Des combats au sol ont lieu. La vieille ville de Jérusalem est incendiée. Des combats d'artillerie également se déroulent dans la zone de Gaza. Et Sharm el-Sheikh, le point qui commande l'entrée du golfe de Tiran, Sharm el-Sheikh a été bombardé par l'aviation israélienne. Ainsi, après des semaines de crise, après des années d'escarmouches aussi, c'est la guerre qui a éclaté avec une violence qui paraît d'autant plus grande qu'elle a été plus longtemps contenue. Le 5 juin 1967, c'est le tout début de la guerre des six jours. Donc c'était le moment fort avec les actualités. Mais précédemment, chaque jour, on voyait le blocage du détroit de Tiran, Nasser qui Félix Nataf provoquait les nations, Israël qui disait on va envoyer un bateau et s'il tire, on va se défendre. À ce moment-là, nous avions très peur pour Israël. Et quand je dis « nous », je parle des Juifs de France, probablement des juifs du monde, mais je parle aussi des Français non-juifs qui, à l'époque, avaient un capital de sympathie pour Israël énorme. Il est inversement proportionnel de celui qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on appelait la SFIO ou le Parti Socialiste, en gros, était extrêmement proche d'Israël. Et même l'extrême droite, à l'époque, c'était Tixier-Vignancourt, dont les nervis acceptaient volontiers d'aller faire le coup de poing contre les juifs, escalité, mais qui soutenaient Israël parce que probablement ils avaient dans leur esprit la vengeance contre la défaite en Algérie, et puis aussi, peut-être, secondairement, pour ceux qui pensaient plus, eh bien si Israël existe et si Israël est fort, on va se débarrasser de nos juifs de France. Donc ça faisait une double sympathie. Mais en ce temps-là, je peux dire que, à part l'extrême gauche naissante, l'équivalent de Lutte ouvrière ou de la JS, des trotskistes, qui étaient anti-sionistes, souvent c'était des juifs qui l'étaient, puisque c'était la bande à Krivine, et c'était pas inacceptable. Et puis il y avait une autre extrême gauche qui, elle, disait Israël doit exister parce que pour arriver à l'international socialiste, il faut que chaque peuple ait son autonomie. Et une fois que tous les peuples ont leur autonomie, à cet instant, on pourra faire une union mondiale. Mais hors autonomie, hors indépendance, hors culture, etc., on peut pas. Tout le monde, pratiquement en France, était ami d'Israël, et tout le monde tremblait pour Israël. Moi, j'ai eu l'impression qu'Israël était tout le temps présent. D'abord parce que mon père chantait en hébreu. Et il chantait les chansons du mouvement sioniste. Parce que quand moi, je suis rentrée dans la Shomer HaTzair, je connaissais toutes les chansons. Donc pour moi, c'était familier. Et puis, il n'y avait pas de cache-route. Hein. On mangeait du jambon. Annette Burstein. On ne jeûnait pas le jour de Kippour. Juste. Mais on faisait quand même les deux grandes fêtes. Alors, pour le Nouvel An, Rosh Hashanah, il y avait un repas, je n'ai pas de souvenir. Pour la fête de Pessah, de Pâques, mon père lisait la Haggadah en hébreu. Et c'était un moment extrêmement pénible. Non pas parce qu'on attend longtemps avant de manger, mais que pour mon père, il y avait une telle émotion, il avait la gorge totalement nouée. Et on se disait, à quel moment il va éclater en sanglots? Il n'éclatait pas en sanglots. Et ma mère, de l'autre côté, dit, bon, là, tu te dépêches, hein, ça suffit. Hein. Ma mère, quand elle allait en Israël, elle s'y sentait très mal. Trop de juifs. Après les 4 ans de ghetto, elle avait eu sa dose, je pense. Avec tout ce qu'elle avait vu dans la soi-disant communauté, et soi-disant solidarité. Donc, d'être en Israël, dans un kibbutz, alors dans ce monde fermé, extrêmement fermé, sur le plan à la fois géographique, mais sur le plan mental, hein. Des gens très idéologisés. Ma mère, elle avait envie de fuir. Hein. Elle ne le disait pas, mais elle y allait à reculons. Elle allait avec mon père. Alors son frère, Abraham, était venu en 64 en France. Ils avaient pu obtenir du kibbutz qu'on leur paye un billet. Donc ça a été la première rencontre. Et je me souviens, on est allé en bus à la gare d'Austerlitz. Ma sœur et moi, ma petite sœur n'était pas encore née. Et mon père nous dit, dans le bus, c'est le jour le plus important de ma vie après votre naissance. Et moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu exagéré, nous mettre au même niveau. Je trouve que c'était... Alors, je me souviens des embrassades. Alors, ils nous ont embrassés, ils nous ont serrés. J'ai cru que j'allais étouffer. Surtout que la tante, elle avait un corset métallique. Et... Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'ensuite, ma mère a laissé son lit. Et mon oncle et mon père ont dormi ensemble pendant une semaine. Et donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose de... Je pense qu'ils ont pleuré, ils ont dû se raconter. Bon, voilà. Mais nous, on n'a rien su. Juste ça. Ils ont dormi ensemble. L'année suivante, on y est allé. 2 mois. Et donc, on a fait d'abord la rencontre du cousin, Ouzi, qui était un peu plus âgé, qui était un passionné de fleurs, de botanique. Et il était un passionné de Brassens. Je vis dans une famille juive, mais où on n'est ni religieux, ni sioniste. Serge Gilbert. Être juif à 15 ans, bah, ça me parlait beaucoup, parce que moi j'ai un père qui a été déporté, qui parlait yiddish, qui lisait un journal en yiddish, donc j'allais dire, on n'avait pas besoin de me l'expliquer. Les grands-parents paternels, je ne les ai pas connus. Les grands-parents maternels ont vécu un peu, ils habitaient rue des Rosiers. Donc quand on allait les voir, on allait en même temps chercher des cornichons, du hareng. Mon père, le dimanche matin, au lieu de m'amener au musée, m'amenait au carreau du temple voir ses copains. Donc être juif, on comprenait. Et l'engagement politique, d'ailleurs, était en grande partie lié à ça. Après, il se fait que moi, j'ai fait ma bar mitzvah. Mon père n'était pas très favorable, parce que, alors qu'il avait été élevé très religieusement en Pologne, après la déportation, il avait bien sûr rompu avec tout ça. Mais j'avais vu un copain qui faisait sa bar mitzvah, je trouvais ça sympathique, il avait eu plein de cadeaux. Et en même temps, j'ai été à l'instruction religieuse, j'ai aimé ça. Non pas tant les prières que l'histoire, apprendre un peu à lire. Donc j'avais ça, mais en même temps, j'ai pas le sentiment que dans la période où j'allais au Talmud Torah, il y avait tant que ça un lien avec Israël. Je pense que l'époque était différente. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la communauté française qui n'avait pas besoin de la référence à Israël pour savoir qu'on était juif. Et tout d'un coup, donc la guerre de 67, c'est quand même... on s'identifie à Israël, on est inquiet de l'existence, puisqu'il y avait l'idée que l'existence d'Israël était menacée. Tout d'un coup, ça nous interpelle avec... aussi, le fait que nous, on était trop jeunes pour avoir vécu et 48 et 56. Et donc, c'est la première fois qu'on voit l'armée israélienne. Moi, je suis à ce moment-là une jeune étudiante, je prépare l'agrégation de lettres et je vais me marier. Anne-Marie Revkolevski. Donc, je suis très occupée évidemment par les préparatifs du mariage et puis par le concours. Et je suis particulièrement heureuse du mariage parce que va venir à ce mariage un oncle qui est mon oncle maternel, qui habite en Israël, et qui étaient, avec ma mère, les deux seuls survivants de la Shoah. Mon oncle était parti en Palestine par idéal, à l'époque où Israël n'existait pas. Et comme je n'ai plus ma mère, cet oncle représente beaucoup de choses pour moi. Au Caire, le ton monte. Les manifestations patriotiques se font plus violentes. La foule crie « Nasser, Nasser, Gamal, Gamal, nous voulons la guerre, rendez-vous à Tel Aviv ». 4 jours avant le début des hostilités, Nasser se laisse interviewer par un journaliste de la BBC. Nous avons réoccupé les positions que nous tenions jusqu'en 1956 au moment de la guerre de Suez. Nous considérons maintenant que nos objectifs sont atteints. On dit qu'une fois reprises les positions d'avant 1956, votre but est de revenir à celles d'avant 1948. Depuis 1948, nous répétons qu'il faut défendre les droits des Arabes de Palestine. En dépit de la résolution des Nations Unies, les Arabes ont été expulsés de Palestine par Israël. Il y a aujourd'hui 1 million de réfugiés. Aucune des résolutions des Nations Unies n'a été appliquée. Israël a toujours refusé de le faire. Donc moi, j'ai 23 ans. Entre savoir ce que je vais prendre comme chaussures pour le mariage et puis ce qu'on entend à la radio... ça commence à devenir inquiétant. Anne-Marie Revkolevski. J'entends que les casques bleus sont en train de partir au Sinaï entre les Égyptiens et les Israéliens, puisque vous savez qu'après 1956, il y avait eu des casques bleus qui étaient à la frontière pour séparer les belligérants de la guerre de 1956. Et j'entends que Nasser a demandé aux casques bleus de s'en aller. Et j'entends aussi que Nasser... commence à faire des déclarations qui sont de plus en plus inquiétantes. Et qu'il n'y a pas que Nasser, il y a les Jordaniens, les Irakiens, les Syriens. Et le discours de Nasser, qui est traduit, si vous voulez, dans les médias français quand même, c'est pas de la dentelle, hein. C'est on va les égorger, on ira à Tel Aviv, il n'en restera plus. Et à ce moment-là, j'appelle bien sûr ma famille, même si on se téléphonait pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui. Et j'ai une cousine de mon âge, une cousine germaine. Il faut comprendre que comme c'était le seul oncle qui me restait, cette famille était très proche. Donc en anglais, on se parle, parce que moi je parle pas l'hébreu, et bien sûr elles ne connaissent pas le français. Et elles me disent, une de mes cousines me dit, non, mais tu sais, c'est vrai que c'est effrayant avec les égorgés, etc., mais ne t'en fais pas. Mais enfin, tu sais, quand même, on est en train de mettre du sable dans des sacs, on les met autour des bâtiments, je vais y participer même si je suis jeune, mais ne t'en fais pas, fais pas attention, mais enfin, quand même, c'est pas très agréable. Donc, quand même, si vous voulez, la tension monte et l'inquiétude monte. Et l'inquiétude monte aussi pour une raison que beaucoup de gens ont oubliée, mais c'est le moment de le rappeler maintenant, c'est que l'Égypte, elle est en train de se battre au Yémen. Et au Yémen, on y déverse des armes chimiques. Et à ce moment-là, évidemment, certains Israéliens sont un peu inquiets en se disant « Si on est capable de déverser des armes chimiques au Yémen, pourquoi ils ne les utiliseraient pas aussi si jamais ils arrivaient en Israël ?» J'étais étudiant en droit. Henri Ashdenberg. En première ou deuxième année de droit, probablement. Donc j'étais étudiant à la faculté d'Assas. Je me souviens de la tension que nous avons vécue. J'avais la chance d'avoir une télévision chez mes parents, et j'étais encore chez mes parents à cette époque-là, même si j'avais 20 ans. Je me souviens très bien des propos de leaders palestiniens qui sont ignorés aujourd'hui, c'était Choukeri, si je me souviens bien, qui disaient qu'ils allaient envahir Israël et jeter les Juifs à la mer. Et on croyait que c'était possible. On était aussi, en tant que juifs, non seulement à la recherche d'idéaux, comme d'autres jeunes, mais peut-être d'une manière encore plus poussée, parce que nos parents avaient été victimes de l'antisémitisme sur la terre d'Europe dans les années 30, même avant, puisque Israël a été créé dans les années 1910-1920 par les premiers pionniers qui fuyaient l'antisémitisme et les pogroms de Russie, de Roumanie, de Pologne. Donc cet antisémitisme avait été vécu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de Juifs qui se sont engagés dans le communisme dans l'Europe de l'Est, parce qu'ils étaient à la recherche d'une situation où tous les gens seraient égaux, Juifs compris. Donc cette recherche d'idéal, elle était très importante chez les Juifs. Après l'époque nazie, c'était aussi, si vous voulez, une analyse très profonde qu'il fallait essayer d'avoir un chamboulement dans le monde pour ne plus revivre ce qu'on avait vécu. Et nous, qui étions dans la génération née juste après la guerre, qui avions 20 ans en 1967, bien évidemment, on était à la recherche de ces idéaux, et autour de moi, beaucoup de jeunes Juifs se sont engagés dans le communisme, dans le gauchisme, mais aussi dans le sionisme. Moi, je n'étais pas du tout politisé en 1967. J'étais un sportif de compétition en football. Et je m'intéressais, jusqu'à mon entrée en faculté de droit, très peu à la politique. Donc, notre réaction, et de très très nombreux jeunes juifs autour de moi, a été de venir au secours d'Israël. Et nous ne savions pas comment le faire. Et donc, on a été des files de jeunes juifs, boulevard Bonne Nouvelle, devant le centre communautaire juif qui existait à l'époque, à peu près au niveau du cinéma Le Rex, qui existe toujours. On était dans des files d'attente pour nous inscrire à pouvoir partir en Israël. Bon, et finalement, la guerre ayant éclaté très vite, nous n'avons pas, pour la plupart, été engagés à venir en Israël pour aider les Israéliens. Donc, moi, je me marie le 28 mai. Et à ce moment-là, on reçoit un coup de téléphone que mon oncle ne va pas venir. Parce que mon cousin, qui est militaire, qui est parachutiste, on appelle tous les réservistes. C'est-à-dire que l'armée d'Israël n'est pas assez puissante, pour toutes les armées qui sont en train de se mobiliser tout autour. Donc, je suis, à titre personnel, si vous voulez, se mêle à la fois cette très grande déception qui ne vient pas, en même temps cette inquiétude pour ce cousin que j'aime beaucoup et qui est mobilisé. Et je me souviens en particulier que la veille de mon mariage, je lui écris une lettre où je lui dis, mon Dieu, de prendre soin à lui, que je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a vraiment une vraie angoisse à ce moment-là. Adonai Eloheinu Yishamu Beharei Yehudu Uvchutsu Yerushalayim. À Paris, dans une synagogue pendant la crise, le rabbin Eisenberg officie. La guerre a éclaté ce matin au Proche-Orient. Les choses ont été en s'aggravant de plus en plus tout au long de la matinée. Les combats sont engagés, bataille au sol avec les chars et l'artillerie, bataille aérienne surtout. Les aviations arabes ont commencé de bombarder Israël. Des combats au sol ont lieu, la vieille ville de Jérusalem est incendiée. Des combats d'artillerie également se déroulent dans la zone de Gaza. Et Sharm el-Sheikh, le point qui commande l'entrée du golfe de Tiran, Sharm el-Sheikh a été bombardé par l'aviation israélienne. Donc, les seules images que les Israéliens avaient et que nous avions après, c'était les images égyptiennes. Et quand les frappes vont arriver et que toute l'aviation égyptienne va être pilonnée, vous savez que les généraux égyptiens ne l'ont pas dit à Nasser. Ils ont dit que c'était la victoire. Ce qui fait que les premiers jours de ce qui était une défaite a été présenté aux Égyptiens comme une victoire. Et donc toutes les images du Caire étaient les Égyptiens qui étaient délirants de joie. Et c'était ces images que les Israéliens voyaient. Et donc ils ne comprenaient pas puisque la radio... Et la radio militaire disait peu de choses, parce qu'il n'était pas question d'annoncer quoi que ce soit vis-à-vis des armées ennemies. Mais donc, ils avaient aussi quand même ces images, et ils se demandaient, mais où est la vérité, puisqu'on avait mobilisé tous les réservistes. Les combats se poursuivraient, aucun renseignement sur les pertes amies ou ennemies. Deux MiG-17 syriens ont été abattus. On dément ici les informations selon lesquelles un grand nombre d'avions égyptiens auraient été détruits au sol, par les mirages de l'armée de l'air israélienne. Il faut savoir que l'action combinée des forces égyptiennes, jordaniennes et syriennes s'est déclenchée avec un ensemble parfait sur toutes les frontières qui entourent Israël. Les militaires ici ont l'air optimistes. On se dit de bouche à oreille que la réaction des armées d'Israël a été positive. Pas de bilan non plus en ce qui concerne les dégâts occasionnés par les bombardements ennemis. Il y aurait eu 10 blessés près de l'hôpital italien à Jérusalem. Et je me souviens d'un prof de français qui m'avait dit « Nata, vous m'attendrez à la fin du cours », il s'appelait Monsieur Gillot, et il m'a dit « Est-ce que vous avez de la famille en Israël? Est-ce que vous craignez pour leur vie? Comment vous pensez que ça va être? Pourquoi vous n'êtes pas allé en Israël en quittant la Tunisie ?» Il avait pris conscience de certaines choses, et il me demandait de partager avec lui. Et on voyait de la sympathie quand même autour de nous, et spécialement avant la guerre. Après le déclenchement, la télévision, on voyait des sourires de jubilation des présentateurs à la télé, puisque le 13h et le 20h, c'était 28-30 minutes. On parlait 30 minutes de cette guerre, rien d'autre. Il n'y avait pas d'autre titre, il n'y avait que la guerre, qui ne s'appelait pas encore la guerre des 6 jours, comment les Israéliens étaient entrés, comment ils avaient libéré Jérusalem. Et puis il y avait les blagues. Pourquoi les Israéliens ne sont pas allés jusqu'à Damas? Parce que les blindés avaient emprunté une autoroute à péage et les Juifs ne veulent pas payer le péage. On rigolait de ce genre de choses. Voilà, il y avait une unanimité quasiment qui n'empêchait pas une grande peur. Mais à partir du deuxième jour et du troisième jour et du quatrième jour, il y a eu une fierté d'avoir pu résister, d'avoir survécu, peut-être à une mort annoncée. Nous partons en voyage de noces en Italie, à Cervinia, pour quelques jours, pour aller faire du ski. Il n'y a pas la radio tout le temps, il n'y a pas les journaux. Donc, on est un peu, pendant quelques jours, un peu éloigné du conflit. Anne-Marie Revkolevski. Puis c'est un voyage de noces, hein, donc on s'occupe l'un de l'autre. Et puis, trois jours après, le 5 juin, on descend à Turin pour prendre l'avion pour venir à Paris. On avait décidé de passer la journée à Turin. Et là, on voit les grands titres. Et on voit les grands titres dans la presse italienne. Tant d'avions cloués au sol, l'armée de l'air égyptienne est hors d'état, elle a été pilonnée. Et puis ensuite, on voit une deuxième édition, donc on se rapproche. Moi, je ne connais pas l'italien, mais quand on a fait du latin, on se débrouille. Et mon mari connaît bien, donc on se dit, pas possible, est-ce qu'on lit bien? Donc, on achète une première édition. Ensuite, deux heures après, il y a une deuxième édition. On voit que l'armée de l'air égyptienne, je crois, est à trois quarts également clouée au sol. On voit que c'est la même chose, je crois, pour l'armée syrienne. On s'aperçoit, on se dit, mais c'est pas vrai, est-ce que c'est de l'agitprop? Enfin, où est de la propagande? Comment se fait-il qu'ils aient pu, en si peu de temps, avoir détruit toute cette armée de l'air, tous ces avions? Et c'est vrai qu'on a une seule envie à ce moment-là, c'est de revenir à Paris. J'étais terrorisée. Déjà que moi, adolescente, je faisais beaucoup de cauchemars alors qu'il n'y avait pas un mot dans ma famille sur la guerre. Donc, avec la guerre de 67, le début, c'était une peur. La peur au ventre. Une tension, un sentiment de vulnérabilité, même si je n'utilisais pas ce mot-là à l'époque. Et aussi un sentiment de solitude. Annette Burstein. Et puis, bon, ça va très vite, finalement, puisque c'est toujours la victoire, donc un soulagement. Et puis l'attente. On attend des nouvelles. On savait que Uzi était incorporé. Et des jours passent. Et pas de, rien, quoi. Rien n'arrive, parce que finalement, il n'y a pas de téléphone au kibbutz. Hein. Jusqu'au jour où l'aérogramme arrive avec deux mots. Et là, j'ai l'impression qu'il y a physiquement un effondrement de toute la famille. Je me souviens, mon père dans l'atelier, il pleure pas, il est muet. Et la famille devient muette, un peu plus que d'habitude, je dirais. Et le sentiment que c'est un peu idiot, c'est comme si une espèce de malédiction. Alors, je pense que s'il n'y avait pas eu la mort d'Uzi, la tension du début aurait été effacée par la joie. Ils disent, on a gagné, youpi, on est les plus forts, parce que c'est un petit peu comme ça que beaucoup ont réagi. Et moi, je me souviens que j'étais autour de moi, mes copains disaient, c'est super, et je ne pouvais pas. J'ai fui, je ne pouvais pas participer. Et je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas dire, mon cousin est mort, je trouve que c'était une phrase un peu bébête. Voilà, et puis surtout, mes parents avaient prévu ce voyage donc l'été. Moi, je suis partie, mais c'est dans le cadre du mouvement de jeunesse. On partait, c'était prévu de faire un camp dans un kibbutz. Et donc, je suis allée voir mon oncle et ma tante. Et là, on a su d'abord qu'ils se restaient plusieurs jours couchés par terre sous la table. Jusqu'à ce que les voisins forcent un peu la porte. Et on n'a pas pu parler. Les deux pleuraient tout le temps. Un mois après, il pleurait. Il ne pouvait pas dire un mot, il pleurait. Et ça, pendant des années, parce que je suis retournée les voir, il pleurait. Ils se sont jamais remis, jamais, de la perte de leur fils. On arrive à Paris, alors là, c'est le 6 juin, le 7 juin, le 8 juin, et là, on voit vraiment la guerre des six jours. On écoute les nouvelles sans arrêt, et là, j'ai pas du tout un sentiment d'exultation. je me demande à chaque fois, mais est-ce que c'est possible qu'ils aient pu si vite tout détruire? Est-ce que c'est possible qu'il y ait cette débandade? Les armées égyptiennes, c'est une armée puissante. Comment ça se fait qu'ils n'aient pas pu combattre? À la manifestation, qui était de mémoire, mais je suis plus très sûr, devant l'ambassade d'Israël. Félix Nataf. Et il y avait Johnny Hallyday. Tout le monde disait, mais il n'est pas juif. Mais si, il s'appelle Smet. Smet, c'est juif. Mais qu'il soit là, c'était extrêmement fort. Et il y avait d'autres personnalités du monde du spectacle et de politique. Il y avait des inconditionnels amis d'Israël, comme Jean Le Canuet, par exemple, qui était le Bérou de l'époque, hein, c'était le patron des centristes, maire de Rouen, qui avait dit « Si Israël est attaqué, j'irai moi-même me porter volontaire pour défendre Israël. » Et puis il y avait, à part cette grande manifestation, devant l'ambassade, je crois, il y avait d'autres petites des meetings à la Mutualité, ou bien à la Bourse du Travail, à la République, où on allait. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de juifs. Il y avait des non-juifs, mais beaucoup de jeunes juifs. Il y avait des gens de la JOC aussi, des jeunesses ouvrières chrétiennes, de la JEC, jeunesses étudiantes chrétiennes, qui venaient avec leur drapeau. C'était une respiration, parce qu'on n'était pas seul, parce qu'Israël n'était pas seul. On avait vraiment un sentiment formidable de très grande amitié et de force jusqu'au moment où, là, on apprend par les journaux que les Israéliens, au moment où ils se demandaient s'ils allaient déclencher la guerre ou pas la déclencher, les uns sont allés voir les Soviétiques, les autres sont allés voir les Américains, les troisièmes sont venus voir le général de Gaulle et la France. Et c'est là qu'on apprend que le général de Gaulle, il avait dit « Ne déclenchez pas la guerre, si vous la déclenchez, vous n'aurez plus la France avec vous. » Anne-Marie Revkolevsky. Et puis arrivent ces images, et je n'ai pas la télévision, hein, il faut bien comprendre, seulement on allait regarder la télévision dans les vitrines. Et là, il y a effectivement l'armée israélienne qui arrive à Jérusalem. Et alors là, à Jérusalem, c'est un moment de très grande émotion, parce que on voit les soldats israéliens qui arrivent devant ce que les Arabes appellent le mont des mosquées, ce que les Juifs appellent le mont du Temple, hein, mais ils sont devant le mur des Lamentations, ce mur auquel les Israéliens n'avaient jamais eu accès, et ils sont là devant, comme on le voit sur les images, la main sur le mur, et en train de pleurer. Il y a un peu moins de 10 minutes sur cette antenne, nous vous avons annoncé la grande nouvelle. Cette fois, le cessez-le-feu est effectif sur tous les fronts israélo-arabes. Un colonel égyptien a été capturé. Il ne sera pas seul et déjà le nombre sans cesse croissant des prisonniers pose aux Israéliens de graves problèmes. Comme en 1956, le désert du Sinaï aura été fatal aux forces du maréchal Hammer. Les rares appareils qui n'ont pas été cloués au sol ont été abattus. Du bon droit d'Israël dans la guerre des six jours et qui voyait le fait qu'il y avait Alain Cyrulnik une série d'états arabes qui étaient ensemble contre Israël. Moi qui faisais déjà un peu de politique, regardais un peu, je n'avais pas la vision uniquement émotionnelle du fait de la guerre. Et je savais qu'il y avait quand même pas mal de campagnes qui avaient été menées auparavant qui annoncent une volonté d'extension d'Israël. Alors moi, je n'ai jamais pensé que la guerre était jolie, quel que soit le côté qu'elle mène, et que les gens dans les guerres se comportent bien et les autres mal. Je ne pense pas non plus que tous les peuples soient collectivement responsables. Voilà, bon. Donc du coup, je pense que le choix d'Israël de faire un État dont l'identité marquée était l'identité religieuse, d'emblée stigmatiser obligatoirement ceux qui ne sont pas de cette religion en leur limitant les droits. La loi du retour pour les juifs existait parce qu'on était juif automatiquement avec la nationalité si on revenait en Israël. Moi qui étais de parent de mère et de père juif, je pouvais et je peux normalement aller en Israël et devenir citoyen à part entière. Et pourquoi cette loi du retour est interdite pour les Palestiniens? Ce qui a changé, c'est que ça a renvoyé dans la communauté à l'époque, comme c'est la première guerre de l'État d'Israël, au génocide. Du coup, il y a une sorte d'émotion qui ne se situe pas à plus jamais la guerre Israël-Palestine, mais plus jamais le génocide, et donc tous ceux qui attaquent Israël sont dans la continuité des génocides. Donc tout ça a fait que ça a lancé un débat émotionnel qui a divisé la communauté juive française, en tout cas. On ne pouvait pas ne pas choisir. Je le dis d'autant plus que moi, j'avais plutôt choisi le fait de toujours défendre le droit des Palestiniens. Et donc, dans ce débat, la majorité de la communauté juive française a basculé pour Israël, défense de l'État d'Israël, inconditionnellement. Dans notre imaginaire, y compris parce qu'on ne nous avait pas assez raconté, je pense. Serge Gilbert. On avait le sentiment qu'une partie des Juifs, entre guillemets, avait été à l'abattoir. Le fait qu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de la Moye, de la Fiche Rouge, ces héros qui sont devenus nos héros, ou les héros du ghetto de Varsovie. On parlait un peu, et c'était le mythe de la France, hein, de la France qui aurait résisté. Et en fait, les autres, à cette époque-là, n'avaient pas été à ce point valorisés. Je crois qu'ils sont devenus nos héros un petit peu plus tardivement. Et donc, l'image était, bon, bah, les Juifs se sont, entre guillemets, laissés faire un peu. Et donc, parce qu'ils n'ont pas cette culture, cette habitude, ils ne sont pas capables d'avoir une armée. Et c'est vrai que ça a été un élément très fort de fierté, de cette capacité militaire, de ces résultats, du côté, entre guillemets, aussi plus malin, dans la stratégie. Alors c'est peut-être très personnel, mais j'ai le sentiment qu'on le partageait quand même à beaucoup. Mes grands-parents qui habitaient rue de la Folie-Méricourt, Blanche Greenbaum, en 67, cette génération, je pense, qui est frappée par quelque chose qui, dans mon souvenir, est une immense scission entre les vieux amis et dans les familles. C'est-à-dire, dans cette émigration qui était issue de la guerre, laïque, ceux qui n'étaient pas au PC étaient quand même donnés de l'argent pour le PC. Je vois tous les frères de mon grand-père, ils étaient quelques-uns, qui avait des boutiques de tissus, en gros, enfin de fringues, en gros, rue Saint-Martin, rue de Montmorency, là où il y a les galeries maintenant. Tous donnaient, pour le parti, pour le PC, bon, ils donnaient. Et là, il y a eu vraiment, c'est le sentiment d'une rupture absolue et dans ce monde-là. Et ma grand-mère vendait Droit et Liberté, le journal du MRAP. Donc je me souviens, j'allais avec elle, petite fille, je remontais le faubourg du Temple jusqu'à l'avenue Parmentier, peut-être jusqu'à Belleville, et là, elle vendait, bah, je pense, dans les boutiques des amis, parce que c'était le quartier juif pauvre, près de la rue Saint-Maur, c'était une militante antiraciste, au-delà du problème juif. Et ça a été l'horreur, parce qu'elle s'est fait jeter à ce moment-là de tous les magasins où elle vendait. Donc, parce qu'elle était communiste, et qu'en fait, les communistes n'avaient pas pris position pour Israël dans la guerre des six jours. Et ma grand-mère a été désespérée. Je crois qu'elle n'arrivait plus à monter le faubourg du Temple pour vendre Droit et Liberté. Mon père, lui, était moins fier de l'armée. Il était très fier des paysans. Il était très fier du désert qu'on faisait refleurir. Il n'aimait pas, il n'était pas anarchiste, hein, mais Félix Nataf. Mais il n'aimait pas cette idée d'armée. Il trouvait que là que c'était un mal utile de savoir manier des armes, c'était pas glorieux. Pour lui, Israël, c'était ce désert, c'était ces fleurs qui poussaient, c'était ces arbres, ces oranges. Il aurait préféré que Dieu agisse en miracle et que la paix s'instaure sans mort. Il faut dire qu'il était très proche des Arabes, mon père, puisque nous sommes nés en Tunisie. Lui est arrivé, il avait une cinquantaine d'années. Il travaillait avec des Arabes, il vivait avec les Arabes. Donc, chaque mort juif le peinait, chaque mort arabe le peinait. Il était extrêmement mal, même de la défaite. Je me souviens, dans le désert, on voyait à la télévision, on voyait ces milliers de paires de chaussures qui avaient été enlevées par les soldats égyptiens pour pouvoir courir. Mon père a dit, c'est honteux pour eux. Il comprenait ce que peut-être aujourd'hui on voit, que le fait d'humilier, ça peut donner des réactions terribles. En 67, on était heureux de voir Israël vaincre, et il disait, attention à ce qui va se passer après, il ne faut pas faire honte aux gens. Maintenant, Israël doit montrer qu'ils ont réussi à se défendre, qu'ils sont forts, et pour ne pas leur faire honte aux Arabes, et il faut tout leur rendre pour leur montrer qu'on est bon, qu'on est généreux, qu'Israël est fort, et que bien qu'il soit fort, il se retire des territoires, sauf du mur des Lamentations. Même pas de Jérusalem, du mur des Lamentations. C'était son souhait. Il y a eu un sentiment commun entre Sépharade et Ashkenaz. Oui, on a quelque chose qui nous a rapprochés. Cette peur de disparition d'Israël et aussi d'avoir une histoire commune, de partager effectivement, au-delà de l'histoire biblique que nous racontons à la synagogue, au-delà de l'histoire des oppressions dans les pays arabes et dans les pays de l'Europe de l'Est, nous avons eu quelque chose de beaucoup plus contemporain qui nous rapprochait et qui n'était pas du domaine du religieux. Henri Ashdenberg. C'est important, parce que ce qui soude normalement les Juifs, c'est la religion. Mais là, ce n'était pas du tout la religion qui faisait que nous avions quelque chose à partager en commun. C'était le sens de l'histoire, qu'Israël, pour nous, ne devait pas disparaître. Ce n'était pas possible. Mon père était dans une ambivalence. Serge Gilbert. Il avait des origines d'engagement un peu, mais sans avoir été complètement militant après les camps. En même temps, il était lecteur d'un journal qui s'appelle la Neye Presse, la presse nouvelle, qui était plutôt d'orientation communiste. Et ce journal ne soutenait pas vraiment Israël. Et ça a été un peu le schisme dans la communauté juive, en particulier dans les milieux des confectionneurs. Et en fait, il y a eu presque une scission. Beaucoup d'anciens lecteurs de la presse nouvelle ont arrêté de lire la presse nouvelle pour lire notre parole. Mon père avait eu des pressions du milieu de la confection pour donner pour Israël. C'est-à-dire qu'il y avait eu des collectes organisées de soutien. Et en particulier dans ce milieu-là, il semble qu'au départ, mon père était un peu réticent à donner parce que c'était pas l'orientation. Il a eu des pressions pour le faire avec des risques de boycott de l'atelier s'il ne le faisait pas. Et un peu plus tard, donc, et la problématique, c'était comment être d'extrême gauche et de défendre Israël. À un moment, on ne pouvait plus être lutte ouvrière ou être Félix Nataf à la JS. Et certains juifs sont restés, beaucoup sont restés, et d'autres sont partis. Alors, la haine naissante d'Israël était trop forte. Et vous, vous avez résolu ça comment ? J'ai quitté cette mouvance et je me suis retrouvé à être un vagabond de la pensée politique. Et puis après, on était au PS. Je suis passé de cette extrême gauche moralement au PS moralement. En août 1967, je suis allé en Israël en touriste, puisque je n'étais pas parti dans l'armée d'Israël. Donc je suis allé rencontrer ma famille et mes amis en Israël. Les jeunes Israéliens de mon âge, que j'avais connu quand j'avais 12 ans, 15 ans, 18 ans, était parti à l'armée. S'était battu. Donc je rencontre ces jeunes Israéliens qui, un mois plus tôt, étaient encore mobilisés jusqu'en juillet. Henri Ashdenberg. Et pour certains qui s'étaient battus dans le désert contre les Égyptiens, pour d'autres sur d'autres fronts, avec chacun une histoire. Et là, je me suis rendu compte, on était juifs, mais eux avaient vécu quelque chose que je n'avais pas vécu et qui creusait une différence. Ils s'étaient battus pour sauver leur peau et la peau de leur pays. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, si vous voulez, que même si on avait un destin commun, à partir d'une certaine date, bah, ce destin, il y avait deux routes qui s'étaient séparées. Même si on était encore reliés dans nos cœurs, bah, le juif israélien, ce n'était pas le même juif que celui qui vivait à Paris. Merci à Blanche Greenbaum, Annette Burstein, Martine et Félix Nataf, Henri Ashdenberg, Serge Gilbert, Alain Cyrulnik et Anne-Marie Revkolevski. Merci également pour leur aide à Florence Josua, Cathy Azan, Ariel Danan, Samuel Guilles-Meillac et Paul Salmona. Archives, Ina. Mixage, Célia Dufour. La guerre des six jours depuis Paris, mai-juin 1967. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Thomas Duterre. Voilà donc pour ce documentaire de La Fabrique de l'Histoire que vous pouvez, comme toutes les autres émissions de La Fabrique, ainsi que les émissions de France Culture, écouter sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de La Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC.